Mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve en ces lieux qui sont fréquentés par un certain nombre de mes amis, entre autres Serge Volikov, qui sera un de vos futurs conférenciers. Si j'ai répondu à la proposition de faire une conférence sur le sujet « La laïcité face aux défis d'aujourd'hui », c'est parce que nous sommes dans un état d'urgence, mais d'urgence démocratique et laïque. Je m'explique. Après les attentats terroristes de janvier, tout le monde, ou presque, s'est référé à la laïcité. Certains l'ont présenté comme la solution, miracle parfois, pour garantir le vivre ensemble. Mais à répéter à satiété cette formule, cela aboutit parfois à des effets contre-productifs. Après les massacres de masse du 13 novembre, presque tout le monde s'est référé à la défense de l'art de vivre à la française, à la défense de nos valeurs, des valeurs de la République. Mais la guerre au terrorisme et l'état, disons, de sécurité ont remplacé la référence à la laïcité comme si l'art de vivre devait être assuré aujourd'hui par le tout sécuritaire. La laïcité que nous vivons, notre laïcité républicaine, est aujourd'hui menacée triplement. Certes, première menace, elle est mise en cause directement, frontalement, par les djihadistes du califat, cet État à la fois terroriste, mais aussi théocratique, théologico-politique, qui est l'exact contraire, l'antinomie de notre République démocratique. Mais nous le verrons, depuis fort longtemps, notre laïcité est remise en cause aussi par ce que j'appelle des néocléricalismes qui, sous prétexte de respect de toutes les croyances, et en particulier aujourd'hui, sous prétexte de lutter contre l'islamophobie, réclament le retour du religieux dans la vie publique et la reconnaissance de l'utilité publique des religions. Si bien que la laïcité est aujourd'hui devenue un véritable instrument politique, certains partis politiques, certains hommes politiques n'hésitent pas à se réclamer de la laïcité pour des raisons électoralistes, pour des raisons, disons, de captage d'un électorat populaire, voire populiste, et cela en dénaturant la laïcité. Alors, si j'ai éprouvé le besoin de faire, disons, cette conférence, c'est d'abord parce que je suis, je crois, un des historiens de la laïcité. J'ai repris et publié en 2005 et republié en 2015 cet ouvrage qui porte comme titre « L'État chez lui, l'Église chez elle », formule empruntée à Victor Hugo, qui m'a permis de faire l'histoire et le commentaire de la loi de 1905 à partir d'archives inédites, la commission parlementaire, à partir du commentaire aussi, disons, du rapport Briand. Car il ne faut pas oublier que cette loi de 1905 et que cette laïcité qui caractérise la France sont le fruit de longues luttes, de luttes qui ont commencé avant même la Révolution française et qui se sont parachevées par certains côtés par cette loi de 1905, une loi de séparation des églises et de l'État qui est aujourd'hui une loi encore fondamentale parce qu'elle a été caractérisée par le Conseil d'État en 2004 et par la Cour européenne de justice en 2008 comme la clé de voûte de la laïcité à la française. Il n'empêche qu'il est bon de chercher à comprendre pourquoi, depuis au moins une cinquantaine d'années, sinon plus, se sont multipliées les épithètes. Laïcité positive d'abord, laïcité ouverte, inclusive, comme s'il pouvait y avoir des laïcités, une laïcité donc fermée, une laïcité négative, une laïcité exclusive. Et puis on a vu fleurir d'autres épithètes. Certains se réclament désormais d'une laïcité européenne, alors que d'autres, à l'inverse, à l'extrême droite, se réclament d'une laïcité identitaire et culturelle, comme si la laïcité était le parachèvement de 20 siècles de christianisme en France. Voilà pourquoi je vais reprendre, disons, un certain nombre de points afin de vous montrer comment et pourquoi il faut retrouver le sens fondamental de la laïcité tel que les pères de la laïcité l'ont défini afin de mieux comprendre comment lutter aujourd'hui. Le premier point que je voudrais développer, c'est que la laïcité s'est imposée en France après toute une série de longues étapes de combat. La France a d'abord été, avant 1789, un État confessionnel, comme la plupart des autres États européens, puisque le catholicisme était la seule religion d'État, la religion du roi, et surtout la religion imposée au sujet du roi. Mais déjà, la France se distinguait sous l'Ancien Régime par trois caractères propres. Premier caractère. Je m'excuse, j'ai un problème actuellement de vision. Je n'ai pas de lunettes adaptées à ma nouvelle vue. Bon. La France a été le premier État européen à remettre en cause la théocratie. En diapositive, parce qu'ils ne voient pas la diapo. Les gens du fond voudraient que tu mettes en diapositive. Ah. S'il te plaît. Parce qu'ils ne voient pas dans. Alors attends. Attends. Oui, je demandais tout à l'heure à un spécialiste de Macintosh parce qu'on n'arrive pas à retourner l'image. C'est-à-dire que affichage. Là, devrait y avoir une image voici et sur la machine, deux images. Mais attendez, faites-le parce que j'arrive pas à voir. Voilà. Affichage. Elle est en diaporama. Diaporama, théoriquement, c'est diaporama. Laissez-le faire, le monsieur, je crois qu'il se fait. Je n'en sais rien, mais si c'est le même que le mien, ça devrait. J'ai la souris. Alors, sauf que là, il se. Peut-être, oui. Là, il s'est bloqué. Ah, c'est autre chose. Oh, vous pouvez échanger entre vous. Ah oui, putain. Préparez vos arguments pour tout à l'heure. Attends. Sinon, je fais la conférence sans diaporama. De toute façon, normalement, en faisant c'est comme ça, avec la pomme et comme ça, ça devrait marcher. Ça grandit automatiquement, ouais. Mais ça fait l'écran. Voilà. C'est l'icône en bas. Oui, mais. C'était l'icône en bas. Oui, mais. Et après, en cliquant, la page suivante a. Oui. Oui. Ouais, mais. C'est l'icône en bas qu'il fallait. Non, j'ai pas besoin de la souris parce que je peux. Non, mais là, il y a les deux pages apparemment. Ah, mais oui. C'est l'icône en bas qu'il faut cliquer pour avoir le mot de diapo. C'est l'icône. Comment on revient par l'escalier en arrière. Oui. Ouais. C'est cette icône-là, il faut cliquer ici pour le mot de diapo. Hop. Est-ce que c'est un. C'est un PowerPoint. Ouais. C'est où est-ce qu'on clique après? Ouais. C'est là à droite? Ouais. Plus loin. Mode diaporama, c'est là en principe. Ou sinon, dans affichage, mode diapo. Je regarde si vous avez une sortie souris. Il y a trois définitions autour de la machine. Tiens, avec la souris, ce sera plus. Et dans l'affichage, mode voilà, diapo, sinon. Ouais. On me l'a cassé. Ah oui, bah c'est la zone qui monte. On n'arrive pas à faire ça depuis bon, le début. Bon, bah tant pis. Désolé. Je vois pourquoi mais il fait ça. Première, c'est un paramétrage comme ça. Et mais... si vous voulez la suite. Il y a déjà dans l'icône déjà. Mais je peux utiliser, enfin, je ferai. Pas de problème. Bon. On ne leur en veut pas. Ne les sifflez pas. La France a donc été le premier État en Europe à mettre en cause la théocratie pontificale, car dès, disons, le règne de Philippe le Bel, les légistes français ont imposé la distinction et l'autonomie du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Et cette distinction, cette autonomie des deux pouvoirs a été confirmée par ce qu'on appelle les libertés gallicanes sous Louis XIV lui-même, à savoir les rois n'ont pas à se soumettre en matière de pouvoir temporel à une autorité ecclésiastique. Mais réfléchissons, cette autonomie, ça n'est pas une séparation. Et aujourd'hui, aussi bien par exemple les États dirigés par des pouvoirs sunnites, comme nombre, disons, d'États dirigés par des démocrates chrétiens, se réclament cette autonomie du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sous l'Ancien Régime étaient distincts, mais ils n'étaient pas séparés parce que le but du pouvoir temporel était de conduire les sujets du roi, eh bien, au royaume des cieux. Donc, voyez-vous, il ne faut pas confondre l'autonomie, la distinction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel et la laïcité. Deuxième originalité, la France a été le premier État européen à expérimenter la tolérance. Alors que pendant les guerres de religion, les États d'Europe ont abouti à la formule suivante, tel prince, telle religion. Seuls les princes ont la liberté de religion, les peuples n'ont que la liberté de migrer s'ils ne partagent pas la religion du prince. En France, à la fin des 9 guerres de religion, le roi Henri IV concède un édit de tolérance, l'édit de Nantes, à ses sujets protestants, tout en leur reconnaissant l'égalité civile avec les autres sujets catholiques. Mais la tolérance, qu'est-ce que c'est ? La tolérance, c'est une concession du prince à une partie de ses sujets. C'est une espèce de privilège accordé à une communauté particulière. Ça n'est pas la reconnaissance d'un droit plein et entier, d'un droit naturel, irrévocable, égal pour tous les hommes. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre tolérance et laïcité comme le font aujourd'hui nombre d'hommes politiques et nombre de journalistes, de droite comme de gauche. Beaucoup de journalistes n'osent pas parler de laïcité parce qu'ils pensent que c'est un gros mot. Troisième caractère original de la France. En France, les philosophes des Lumières, certes, ont lutté pour la tolérance, songez à l'idée de tolérance de Voltaire, mais ils ont fondamentalement lutté pour la liberté de penser, la liberté absolue de penser. Alors qu'en Angleterre, le grand philosophe de la tolérance, John Locke, la proclame pour tous les protestants. Il la refuse aux papistes catholiques et surtout aux athées qui seraient incapables d'avoir une morale. Eh bien, en France, Diderot, Montesquieu et Condorcet en particulier ont préféré dépasser la tolérance et affirmer la pleine liberté de conscience et de pensée. Et Mirabeau lui-même déclara à l'Assemblée en 1789 que la tolérance était une véritable insulte pour la pensée des autres. Donc, voyez-vous, c'est bien avant 1789 que les principes d'une laïcité fondée sur la liberté de conscience ont été mis en avant. La deuxième grande étape, c'est fondamentalement la Révolution française qui marque une rupture capitale dans le long processus de laïcisation de l'État et de la société. Et cela, dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui substitue, dans une véritable révolution copernicienne, qui substitue au devoir envers Dieu les droits de l'homme et du citoyen. Vous connaissez l'article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et vous connaissez surtout l'article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. On ne le sait pas assez, mais l'Assemblée constituante a fondamentalement jeté les bases de la laïcité parce que, tout simplement, d'abord, elle a fondé la souveraineté du peuple, de la nation. Le pouvoir ne vient plus de Dieu, il vient de la nation. Ensuite, c'est l'Assemblée législative qui a fondé l'état civil, par exemple autorisé le divorce, permis le renoncement aux vœux religieux, etc., etc. Quant à l'Assemblée de la Convention en 1793-1794, elle a, on ne le sait pas assez, jeté les principes de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle a jeté les bases des services publics, mais en 1795, elle a aussi, après l'échec de la tentative de nouvelle constitution civile du clergé, elle a jeté les bases d'une première séparation de l'Église et de l'État au nom des droits de l'homme. Seulement, cette première séparation n'a pas mis fin au conflit entre révolutionnaires et réactionnaires et n'a pas rétabli la paix civile ni la paix religieuse. Voilà pourquoi le premier consul Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VI le concordat de 1801 et proclame en 1802 le régime des cultes reconnus. Qu'est-ce que c'est que ce régime des cultes reconnus ? 4 cultes, le culte catholique, les 2 cultes protestants, luthériens et calvinistes, puis le culte israélite, seront dits reconnus, c'est-à-dire qu'ils deviennent des institutions publiques, comme des services publics. Les ministres du culte sont de véritables fonctionnaires, à la fois nommés par, le chef d'État, mais aussi contrôlés par les autorités publiques. Ce système du concordat n'a pas pu survivre longtemps et est devenu rapidement un discordat, faisant que le XIXe siècle en France a été caractérisé par un conflit permanent et récurrent entre, d'un côté, les anciens monarchistes catholiques pour l'essentiel et les républicains pour l'essentiel anticléricaux. Voilà pourquoi, une troisième étape a été nécessairement ouverte entre 1880 et 1905. Les pères de la République, Léon Gambetta le premier, eux qui se voulaient les champions de la lutte contre le clergé constitué en véritable force politique réactionnaire et souvent monarchiste, Léon Gambetta qui déclarait que le cléricalisme voilà l'ennemi, dans le même discours faisait profession de respect laïque de la liberté de conscience. Nous ne sommes pas les ennemis de la religion. Nous sommes au contraire les serviteurs de la liberté de conscience, respectueux de toutes les opinions religieuses ou philosophiques. Je passe rapidement sur l'œuvre des républicains, des années 1880, ceux qui ont commencé par proclamer l'enseignement secondaire public des jeunes filles, puis avec les lois Ferry, ceux qui ont proclamé que l'enseignement primaire deviendrait gratuit, obligatoire, laïque, tout en respectant la possibilité pour les pères de famille de donner à leurs enfants un enseignement religieux le jeudi, à l'époque, qui était jour de repos exprès pour cela, tout en respectant d'ailleurs les devoirs envers Dieu, officiellement à l'école publique. Et enfin, avec la grande loi de 1886 qui permet la laïcisation progressive du corps enseignant. Car il faut bien vous dire une chose, vers 1880, il y a encore une majorité d'enseignants en France qui sont des ecclésiastiques, des moniales ou des religieux. C'est en particulier dans l'enseignement secondaire que la majorité des enfants étaient formés dans des collèges de jésuites ou des collèges religieux. Donc, voyez-vous, il y avait une nécessité pour les républicains de conquérir cette nouvelle génération à la laïcité et à la République, avant de poser la question de la séparation de l'Église et de l'État, objectif qui était inscrit à tous les programmes républicains depuis 1869, qui avait déjà été réclamé par, entre autres, Victor Hugo en 1850, mais qui avait été volontairement ajourné par Ferry, par Gambetta et par Goblet, par exemple, afin de ne pas aggraver le conflit entre les deux France, catholique et, disons, républicaine. Voilà pourquoi, après une génération, disons, de laïcisation et de républicanisation en profondeur des Français, quand éclate l'affaire Dreyfus, on se rend compte que les catholiques, dans leur majorité, ne sont pas ralliés à la République comme l'avaient espéré un certain nombre d'entre eux, et en particulier le pape Léon XIII. Donc, la nécessité de répondre à la triple menace nationaliste, cléricale et antisémite a amené la gauche victorieuse, le bloc des gauches victorieux en 1902, d'inscrire à son ordre du jour toute une politique de laïcisation. Interdiction, par exemple, de l'enseignement des congrégations non autorisées par la fameuse loi de 1904. Mais on ne sait pas assez. Échec de l'unification d'un service public d'enseignement dans l'école de la République, comme l'avait désiré et mis en avant non seulement Jaurès, mais aussi par exemple le Grand Orient de France, mais aussi une grande partie de la Ligue de l'enseignement ou des radicaux. Donc, voyez-vous, c'est une conséquence lointaine de l'affaire Dreyfus que la séparation des Églises et de l'État. Pourquoi ? Cette séparation des Églises et de l'État est devenue une nécessité car, en 1902, l'Église catholique française, véritable parti d'opposition, comptait plus de 225 000 membres et que le pape Pie X était un pape très nouveau, mais intégriste, qui se réclamait non seulement de l'infaillibilité pontificale en matière de dogme et de mœurs, mais qui rappelait que les pouvoirs religieux étaient au-dessus des pouvoirs civils, que la loi de Dieu était supérieure à la loi des hommes. Donc, c'est pour se prémunir face à cela, avec la dégradation des rapports entre le Vatican et la République, que dès 1903, une commission parlementaire de 33 députés commence à élaborer, à partir de 6 ou 7 projets de modification du régime concordataire. Cette commission des 33, présidée par Ferdinand Buisson, président à l'époque de la Libre Pensée, mais aussi du Parti Radical Socialiste, et aussi dirigeant, disons, de la direction de l'enseignement primaire pendant 18 ans, Ferdinand Buisson préside cette commission. Il est, disons, entouré de 8 députés socialistes, jaurésiens, car Jaurès cornac indirectement cette commission. C'est lui qui a fait rentrer, disons, entre autres, Aristide Briand et d'autres de ses amis avec qui il a énormément de rapports, ce que j'ai prouvé. Et donc, cette loi, préparée par 18 mois de travaux incessants, cette proposition de loi, c'est celle que finalement, en dépit des avatars de la chute du gouvernement Combes en 1905, c'est cette proposition de loi, à peu de choses près, qu'Aristide Briand défendra devant le Parlement, et c'est cette proposition de loi d'origine parlementaire qui sera adoptée après 3 mois de débats intenses et de très grande qualité. Elle sera finalement adoptée par 341 voix contre 233, mais certains de ces amendements, en particulier l'amendement, enfin l'article 4 amendé, ont été votés à une énorme majorité, entre autres parce que Jaurès avait réussi à piéger la droite catholique en lui faisant voter cet amendement de l'article 4, à savoir que la République ne s'immisçait pas dans l'organisation interne des diverses religions, fussent-elles théocratiques et fussent-elles monarchiques comme était l'Église catholique. Eh bien, quand les catholiques votent cet article 4, Jaurès peut s'écrier « La séparation est faite », car effectivement, il a piégé la droite catholique en lui faisant admettre la séparation. Donc, voyez-vous, cette séparation s'est faite, disons, dans des conditions démocratiques remarquables. Les 341 députés qui adoptent cette loi sont, comme l'avait prévu Jaurès, non pas tous sur la même ligne laïque. Une cinquantaine de ces députés d'extrême gauche sont plus anti-religieux qu'anticléricaux. Mais ils voteront la loi. La grande majorité des députés jaurésiens et radicaux socialistes voteront la loi parce qu'ils sont laïcs, clairement, et anticléricaux. Une partie des anciens députés radicaux qui pensaient qu'un concordat pouvait être maintenu permettant à l'État de contrôler l'Église catholique dont il redoutait la nouvelle liberté, eh bien ceux-là finalement voteront la loi, et même une partie des libéraux modérés attachés à la liberté de religion. Donc, voyez-vous, on peut dire que cette loi de 1905 a été adoptée par la quasi-totalité des républicains laïcs en dépit de leur divergence de sensibilité anticléricale. Cette notion, à mon avis, devrait être aujourd'hui au cœur de nos réflexions, car tous les laïcs ne sont pas aujourd'hui sur les mêmes positions. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accord? Eh bien parce que cette loi a été remarquablement préparée. Les deux premiers articles sont titrés « Principes ». Principe. Pourquoi? Parce que même si le mot laïcité n'est pas contenu dans la loi, les deux premiers articles définissent les principes de la laïcité. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes dans les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté de conscience est la liberté fondamentale, première. Celle qui est un droit naturel dont dispose tout homme, tout être humain, à égalité de droit. D'elle découle aussi bien la liberté de croire que de ne pas croire, de faire un acte de foi ou de mettre en action sa pensée. Vous remarquerez que l'article 1er ne fait pas allusion à la liberté de religion. C'est volontaire. La liberté de religion, pour les pères de la loi, elle relève de la sphère privée. Elle relève du fort intérieur de chacun. C'est chacun en conscience qui choisit d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Ça ne regarde que lui. Qu'est-ce que la République garantit? Elle garantit l'expression publique de cette liberté de religion, à savoir la liberté de culte, c'est-à-dire la pratique collective d'une religion par des gens pratiquant le même culte dans des lieux consacrés pour cela, y compris dans l'espace public, pour peu qu'il y ait eu demande d'autorisation et qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. L'article 2, le plus connu, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il ne faut pas galvauder cette formule. ne reconnaît aucun culte. Eh bien, c'est la fin des cultes reconnus. Les religions ne sont plus des services publics. Les ministres du culte ne sont plus des quasi-fonctionnaires. L'État, disons, ne les salarie plus. Désormais, non seulement l'État central, mais aussi les communes ne feront plus de subventions aux religions. Et toutes les religions seront à égalité d'activité, les quatre anciennes, mais aussi toutes les nouvelles religions possibles et imaginables. Donc, dans ces conditions, on peut dire que cette séparation, initialement, a été conçue comme une double émancipation, selon la formule d'Aristide Briand. Émancipation de l'État, qui n'a plus de budget des cultes, qui n'intervient pas pour contrôler les activités religieuses, qui respecte leur organisation propre, qui ne cherche pas à organiser les religions pour les contrôler, et qui ne s'intéresse aux questions religieuses que pour le respect de l'ordre public et pour faire respecter la liberté de culte. Mais également émancipation des églises, des religions, qui auront une liberté inédite qu'elles n'ont jamais eue dans l'histoire, qu'elles n'ont même pas dans les autres États monarchiques de l'époque. Donc, voyez-vous, liberté absolue des églises, à condition qu'elles admettent que leurs normes, leurs dogmes ne sont pas des lois d'État et ne peuvent pas être des lois d'État, parce que une église ne peut pas prétendre que ses normes, ses dogmes doivent être imposés à des citoyens qui ne partagent pas leurs croyances. Donc, voyez-vous, deux remarques. Cette loi de séparation a été une loi souveraine. Elle n'a pas été négociée avec les religions. Elle a été élaborée uniquement par le Parlement. Deuxièmement, cette loi est une loi, disons, reposant sur des principes, mais des principes dont découle une jurisprudence et définissant les mises en application. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, je ne vais pas revenir sur la pensée profonde des pères de la loi de 1905, que ce soit Ferdinand Buisson ou Jean Jaurès. Mais je voudrais simplement souligner ce fait que pour, disons, Ferdinand Buisson, il n'était pas question de considérer les religions comme une puissance à l'égal de l'État. Il n'était pas question de négocier avec des religieux, avec des clergés censés représenter des fidèles. L'État ne connaît que des citoyens et des citoyennes. L'État ne connaît que des individus ou des associations, mais pas des communautés religieuses, pas des institutions religieuses. Si, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les associations religieuses qui se constitueront, qui remplaceront par exemple les anciennes paroisses, seront des associations cultuelles avec des présidents, des trésoriers, des assesseurs, comme toutes les autres associations, loi 1901. Elles devront être déclarées, mais la petite reconnaissance administrative n'a rien à voir avec la reconnaissance publique des religions comme service public. Deuxième idée importante, celle de Jaurès, à savoir laïcité et démocratie sont synonymes, puisque toute la société doit reposer sur des lois laïques, sur des principes laïques. Si des catholiques, si des protestants veulent faire consacrer par des rites religieux leur contrat, leur mariage, etc., etc., libre à eux, ils le peuvent. Mais d'abord, c'est des principes laïques qui doivent organiser la société civile. Quatrième et dernière étape de la laïcisation de l'État, c'est la constitutionnalisation. Ça n'a pas été sans mal. Ça n'a pas été sans mal. Il faut bien vous dire une chose, c'est que dès 1914, la loi de 1905 a été contournée, affadie. Elle n'a même pas été appliquée dans l'Empire colonial, pas même dans les trois départements dits français que constituait l'Algérie. Et cela alors que les savants en religion musulmane, les oulémas, réclamaient l'application de la loi de 1905 et la séparation. Pourquoi ? Eh bien parce que le lobby colonial a empêché que soit remis en cause le statut de l'indigénat, qui depuis 1981 faisait que les imams, les cadis, étaient choisis par l'État français et payés par lui afin de mieux contrôler les populations indigènes. Donc voyez-vous, une occasion a été perdue de faire découvrir de manière précoce la laïcité à l'islam. Et nous en payons les conséquences encore. Bon, je passe sur, bien sûr, le fait qu'en 1919, l'Alsace-Moselle conserve le régime concordataire de Napoléon et les lois de Bismarck. Mais sachez qu'en 1945, on aurait pu constitutionnaliser la loi de 1905, la séparation des églises de l'État, la laïcité, avec une très grande précision. Cela a été impossible, puisque le premier projet de constitution a été rejeté par la majorité de droite, des gaullistes, des chrétiens démocrates et certains socialistes. Donc, c'est à l'occasion du deuxième vote de la Constitution en octobre 1946 que le préambule définit de manière assez générale et trop abstraite la notion de laïcité. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que le peuple français réaffirme à nouveau, allusion bien sûr au principe de 1789, que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Nul ne peut être lésé dans son travail et son emploi en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances. C'est sur proposition d'un député communiste, Étienne Fajon, que peut être adoptée l'épithète laïque dans la fameuse formule républicaine « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Il faut le savoir. La constitution du 4 octobre, 1958, reprend l'article 1er de celle de 1946. « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Elle assure l'égalité, bien sûr, devant la loi de tous les citoyens, sans distinction, etc., etc. Mais ce que l'on ne sait pas, et c'est très important, le diable est parfois dans les détails, c'est que les députés démocrates chrétiens et les gaullistes, majoritaires, ultra-majoritaires en 58, ont fait ajouter à cet article 1er un amendement. La République respecte toutes les croyances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire, pour certains juristes, que l'on passe d'une laïcité reposant fondamentalement sur la séparation du politique et du religieux, sur la séparation de l'État et des églises, à une laïcité respectueuse de toutes les croyances et donc de toutes les religions. On passe d'une laïcité séparation à une laïcité qui, au nom de la neutralité, respecte toutes les croyances. C'est ambigu. Pourquoi ? Parce que, dans la pensée de Jaurès ou de Buisson, le respect mutuel qui définissait les rapports entre croyants et incroyants était fondé sur le respect des personnes. Tandis que là, il s'agit de respecter les croyances. Comme si la République freinait la liberté de critique des religions, des opinions, des croyances. C'est une nuance. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit en 1958. Mais c'est capital, comme je pense vous le démontrer bientôt. Donc voyez-vous, si on arrêtait l'histoire de la France laïque en 1958, on pourrait dire que en France, jamais la laïcité jusque-là n'a été définie comme une, disons, une idéologie anti-religieuse. La laïcité, ce n'est pas l'athéisme. La laïcité en France n'a jamais été une, spiritualité spécifique, comme par exemple c'est le cas en Belgique. Ça n'a pas non plus été une religion civile comme aux États-Unis. Et encore moins, bien sûr, une idéologie d'État officielle comme le marxisme, le léninisme, dans l'ancienne Union soviétique. Donc, voyez-vous, nous avons une laïcité qui repose fondamentalement sur cette articulation entre les deux principes qui n'en font qu'un, de liberté de conscience et d'égalité des droits, et qui débouche sur quoi ? Sur la neutralité de l'État et des services publics en matière religieuse et confessionnelle ou philosophique, et sur la séparation des religions et de l'État et de l'école. Donc, voyez-vous, deux principes, deux applications concrètes. Eh bien, malheureusement, c'est cet édifice-là qui a été progressivement mis en cause, disons, depuis 50 ou 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du retour du religieux. Eh bien, je crois qu'il faut commencer par remettre en cause cette notion du retour au religieux. Et rien de plus... Alors, c'est un phénomène qui est général dans toute l'Europe, y compris en Pologne ou en Espagne. C'est un phénomène qui est assez développé à l'échelle mondiale, en particulier en Asie et au Japon. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les médias et un certain nombre de forces insistent sur cette idée que nous serions en plein retour du religieux, comme l'aurait pressenti Malraux il y a une cinquantaine d'années. Regardez ces chiffres fournis par... je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Je vais chercher à vous les commenter. Juste avant les attentats terroristes de janvier, en novembre 2014, l'observatoire ScanVision posait un certain nombre de questions aux Français, à savoir combien de Français se disent croyants ? Il y a 20 ans, en 1994, 59% se disaient croyants. 20 ans plus tard, en 2014, 46%. Moins de 1 Français sur 10 se dit croyant. Se disent incroyants. 32% en 1984, en 2014, 39%. Presque 40% des Français se disent incroyants. Athées ou agnostiques peut-être, mais incroyants. Par contre, se disent, ayant eu une religion, une éducation religieuse, mais s'en étant détaché et n'ayant plus de pratique religieuse, 9% il y a 20 ans, 15% aujourd'hui. C'est-à-dire que en France, les croyants sont aujourd'hui minoritaires. Et ce phénomène, je vous le dis, ne fait que s'accentuer et se généralise, y compris dans les États, disons, qui ont des régimes concordataires. Donc, partons de là. Mais cherchons à comprendre pourquoi certains nous parlent du retour du religieux. Eh bien, il faut comprendre que un certain nombre de forces ont, de manière très précoce, tenté de reconquérir le terrain perdu sur la laïcité, en particulier l'Église catholique. Alors, vous le savez, dès 1959, dès la loi du 31 décembre 1959, le dualisme scolaire est consacré. La fameuse loi Debré, concédée par le gouvernement disons du général de Gaulle, hein, de Michel Debré plus exactement, eh bien permet le financement public des écoles sous contrat confessionnelles à 95% et catholiques pour l'essentiel. Une concession est faite à ces établissements qui peuvent désormais avoir le privilège de choisir leur personnel enseignant et indirectement de choisir leurs enfants, leurs élèves. On ne sait pas assez, mais c'est cette loi de Bray qui fait que pourront être ouverts dans tous les établissements sans internat des aumôneries religieuses qui pourront s'intégrer dans les horaires d'enseignement. Et oui, c'est cela qui a permis la multiplication des aumôneries, car la loi de 1905 ne permettait des aumôneries que dans les lieux fermés, les prisons, les hôpitaux, les casernes, les internats de lycée, c'est-à-dire que c'était au nom du principe de la liberté de culte et de conscience que la République permettait que des personnes privées de moyens de se déplacer aient accès à leur culte. Eh bien, désormais, cet article premier de la loi de 1901 est bafoué. On comprend que désormais, surtout après que le président Mitterrand, en 1984, ait renoncé à un article de son programme, à savoir la réunification d'un service public laïque d'enseignement, eh bien, on est frappé de constater que dès cette époque, les concessions faites à l'enseignement confessionnel, à l'enseignement privé, au nom de la liberté d'enseignement ou au nom de leur caractère propre, n'ont cessé de se démultiplier. Si bien qu'aujourd'hui, eh bien, on peut considérer que l'enseignement privé dispose de plus de moyens matériels par tête d'élève que l'enseignement public, il faut le dire. On peut donc comprendre qu'après avoir été intégré comme délégataire de services publics, l'enseignement privé catholique se félicite de l'évolution de cette République. Songez qu'en 1996, l'épiscopat français a adopté un texte élaboré par Mgr d'Agen disant ceci: l'Église de France reconnaît le caractère positif de la laïcité, non pas telle qu'elle était à l'origine, mais telle qu'elle est devenue. Alors d'où vient cette formule laïcité positive, caractère positif de la laïcité? Eh bien, en cherchant, on le trouve dans l'encyclique Europa in Ecclesia du pape Pie XII en 1958. C'est cette encyclique qui fait la distinction entre la laïcité saine et légitime, la laïcité positive et la laïcité négative qui serait le laïcisme. Et qu'est-ce qui les différencierait? Eh bien, la première accepterait la collaboration régulière entre les États et l'Église catholique, et les autres, le laïcisme contesterait et condamnerait cette collaboration. Eh bien, cette tendance n'a cessé d'être réaffirmée, contrairement à ceux qui pensent qu'aujourd'hui il n'y a plus de conflit entre une France catholique et une France laïque. Entre des Français laïcs et Français catholiques, il y a certainement peu de conflits. Mais entre une Église vaticane et une République, il peut y avoir des conflits. Regardez ce que disait par exemple Jean-Paul II en 2005. Le principe de la laïcité, s'il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l'Église. Il suppose une saine coopération entre l'État et l'Église, surtout en ces temps de crise d'identité que traversent les sociétés modernes. Et l'ancien pape Benoît XVI, quand il est venu en voyage officiel en 2008, qu'est-ce qu'il a dit devant Nicolas Sarkozy? Il a déclaré que la loi de séparation de l'Église et de l'État était un danger pour la physionomie spirituelle, morale et humaine de l'Europe. Mais que la laïcité positive garantit à tout citoyen le droit de vivre sa foi religieuse avec une liberté authentique, y compris dans le domaine public. Allez vous étonner alors qu'au nom de leur foi se multiplient des manifestations de masse contre, disons, par exemple, les projets de loi sur la fin de vie ou sur le mariage homosexuel. Je passerai beaucoup plus vite sur le fait que les protestants, eux, ont été les champions et sont toujours les champions d'une laïcité ouverte, inclusive. Ils s'appuient sur une formule adoptée par la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950, mais que la France a finalement ratifié en 1980 sous l'impulsion de Giscard d'Estaing. L'article 9 de cette convention modifie sensiblement les deux premiers articles de notre loi de 1905. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public et en privé, par le culte, mais attendez, écoutez bien la suite, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Eh oui, en France, la République garantit le libre exercice des cultes. Mais est-ce que l'on peut mettre sur le même régime les cultes et des rites, des pratiques culturelles, souvent plus que cultuelles, et, disons, des pratiques d'office religieux? En fait, cela permet à tout un certain nombre, disons, de mouvements de réclamer une extension de la loi de 1905 pour que la République garantisse, reconnaisse comme, disons, pratique religieuse des rites, mais aussi des pratiques. Et donc, là je suis obligé de revenir sur un phénomène qui s'est produit en 1989. En 1989, la Fédération de l'Église réformée de France et la Ligue de l'enseignement ont signé un texte commun où elles appelaient à un nouveau pacte laïque. Elles ont demandé publiquement une réorientation de la laïcité en fonction de la diversité nouvelle de la société française, une société de plus en plus pluriculturelle, pour ne pas dire plurireligieuse. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'on a vu se multiplier les affirmations d'une visibilité rituelle des religions. C'est à partir de ce moment-là que, par exemple, on a vu des élèves juifs demander à ne pas venir, par exemple, faire des examens le samedi. C'est à partir de ce moment-là que l'on a vu des jeunes filles arborer le voile dans les collèges et les écoles. C'est à partir de ce moment-là que l'on a vu se multiplier les réclamations pour obtenir, disons, des financements, aussi bien de la part des, disons, des musulmans que des juifs. Donc, voyez-vous, les protestants ont joué un rôle majeur en popularisant cette idée qu'il fallait désormais considérer que les pratiques religieuses s'étendaient bien au-delà des activités de culte et qu'elle s'étendait à toutes les activités organisées par des églises. Que donc les activités cultuelles, mais aussi culturelles, humanitaires, scolaires, sociales, humanitaires, sportives, relevaient finalement des activités religieuses d'une église. Ce sont les protestants qui ont demandé les premiers, eux qui contestaient les privilèges de l'Église catholique, hein, concédés par la République, sont les protestants qui ont demandé les premiers à ce qu'il y ait fusion des activités culturelles et des activités culturelles et sociales des églises. Voilà pourquoi, hein, voilà pourquoi un grand rapport a été remis à Lionel Jospin en janvier 2002, un rapport de l'Église réformée de France demandant que les églises doivent trouver leur place, leur juste place dans la société civile entre l'État et les citoyens, car elles ont vocation et expérience à participer à toutes les dimensions de la vie sociale. Cette thèse, elle est reprise par les églises réformées d'Europe, qui ont fait passer dans le traité de Maastricht, d'abord dans le projet de constitution européenne, puis dans le traité de Maastricht, l'idée que les églises sont des corps intermédiaires représentatives de la société civile et qu'elles ont vocation pour entretenir un dialogue ouvert, permanent et, transparent sur tous les domaines du ressort de l'Union européenne avec la Commission de Bruxelles. Et je vous signale que deux réunions ont lieu chaque année entre la Commission et 128 associations religieuses dûment reconnues par la Commission de Bruxelles, par les autorités de l'Union européenne. Donc voyez-vous, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas seulement la visibilité des musulmans, cette nouveauté depuis une génération, qui pose problème. C'est qu'en fait, à Pafeutré, nous avons vu s'organiser des forces néocléricales qui ont cherché à revenir sur la scène publique et à accroître leur pouvoir. Alors, posons carrément la question maintenant. Les musulmans menacent-ils la laïcité? Je voudrais tout d'abord vous dire que il est insupportable d'assigner à une religion une catégorie particulière de citoyens ou de Français ou même d'étrangers vivant en France. Hein? Pourquoi dit-on musulman pour désigner des maghrébins, des enfants nés d'immigrés maghrébins ou des étrangers venant, disons, partageant une culture arabo-musulmane? Songez que dans son ouvrage de 2003, Nicolas Sarkozy n'hésite pas à dire qu'il emploie la formule musulman parce qu'il y a des musulmans pratiquants, mais il y a, dit-il aussi, des musulmans athées et des musulmans agnostiques. Bon. Il faut fondamentalement donc dissocier les musulmans de ces populations d'origine, disons, arabo-musulmane, kabylo-musulmane, hein, pakistano-musulmane, etc., etc. Hein. Pourquoi ? Parce que, et on le sait à peu près aujourd'hui, à peine la moitié d'entre ces 10 musulmans pratiquent leur religion. Je vais y revenir. Il faut donc distinguer le rapport à la laïcité des organisations musulmanes, voire islamistes, et les musulmans, les 10 musulmans vivant en France. Alors oui, les organisations qui sont membres du Conseil français du culte musulman depuis 2003. Et en particulier, la Fédération nationale des musulmans de France, rattachée au Maroc, l'organisation islamiste, l'Union des organisations islamistes de France, rattachée plus ou moins aux frères musulmans et indirectement au Qatar et, disons, à l'Arabie Saoudite, voire à la Turquie. Eh bien, ces deux organisations-là mettent en cause ouvertement la laïcité. Hein. En 2005, elles ont publié un manifeste pour demandant, si vous voulez, que la loi de 1905 soit modifiée pour donner à tous les cultes les mêmes droits et les mêmes garanties, hein, afin de négocier avec l'État une composition du droit français avec les dispositions du droit musulman, hein, au nom d'une acceptation réciproque de l'islam et de la laïcité, comme si l'islam de France allait négocier avec l'État la modification du droit français. Pour, disons, Fouad Alaoui, président de l'UOF à l'époque, eh bien, la laïcité était à condamner parce qu'elle mettait en question l'essence même de la foi, parce qu'il fallait que les musulmans en pointent les contradictions et en soulignent les limites. Et surtout, les musulmans devaient en contester les prétentions universelles. Donc, voyez-vous, les organisations islamiques, oui, elles remettent en cause la laïcité ouvertement. Et elles la remettent en cause, non seulement, comme certains le croient, en demandant des subventions publiques pour la construction de mosquées. À mon avis, ce n'est pas ça leur axe principal. Leur axe principal, c'est la recherche, disons, de la reconnaissance d'une partie du droit dit musulman par le droit français. Comme dit Fouad Alaoui, la société française doit reconnaître l'islam dans toutes ses dimensions culturelles et cultuelles. La fameuse distinction des protestants est reprise par les musulmans. Et cela est encore plus vrai à l'échelle européenne, parce que la charte du Conseil européen de la charia, hein, qui est pour l'essentiel rédigée par Tariq Ramadan, stipule ceci. Les musulmans d'Europe doivent travailler sans répit à gagner des droits concernant leur statut civil dans les questions du mariage, du divorce et des successions. Le problème, c'est que l'État français a concédé au Maroc, à savoir que les ressortissants d'origine marocaine, y compris les binationaux, venus au Maroc et vivant en France, relèvent encore du droit marocain sur ces points. Donc, voyez-vous, il est absolument indispensable de distinguer organisation musulmane, islamiste et musulman. Pourquoi ? Parce que quand on analyse, disons, le degré d'intégration des musulmans de France, et quand on compare l'intégration de ces 10 musulmans, de ces 5 à 6 millions de musulmans vivant en France, avec le degré d'intégration des musulmans dans d'autres pays d'Europe, on est sidéré de ce que l'on découvre. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas le droit en France de faire des statistiques religieuses et ethniques. Attention, les universitaires peuvent en faire. Quant aux puissances étrangères, elles en font sans que ça se sache. En particulier, c'est le département d'État américain qui, depuis une vingtaine d'années, fait faire systématiquement dans plusieurs États européens des enquêtes répétées sur la façon dont s'intègrent les musulmans dans ces divers pays. Les données que j'ai présentées là, elles viennent d'enquêtes faites par le Pew Research Center qui travaille pour le département d'État américain. Eh bien, qu'est-ce que l'on découvre ? On découvre que les musulmans vivant en France. Pour trois quarts, Français nés en France ou naturalisés. Et pour un quart, étrangers. Eh bien, sont spectaculairement bien intégrés. C'est ce que prouve certainement aussi, en dépit de certaines corrections à faire, hein, les enquêtes de l'INED qui viennent d'être publiées cette semaine et que je n'ai pas eu le temps encore de dépouiller. Qu'est-ce qu'on constate ? Pour les 5 à 6 millions de Français, dits musulmans, pour les 5 à 6 millions de musulmans se disant français, pour les 5 à 6 millions de musulmans vivant en France, se disent français avant d'être musulmans. 52%. Se disent musulmans avant d'être français, 46%. Regardons les proportions d'Angleterre. Se disent anglais d'abord, 7%. Se disent musulmans avant d'être anglais, 81% en Angleterre. Et en Allemagne, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que l'on constate ? C'est que quasiment les trois quarts des musulmans français disent qu'ils acceptent le mode de vie en France, qu'ils estiment qu'ils peuvent concilier leur foi et leur mode de vie dans cette société moderne. Plus des trois quarts des musulmans français disent reconnaître l'égalité homme-femme. Plus des 75% des musulmans français disent qu'ils sont pour la séparation de la religion et de la politique. Il n'y a que 20% des musulmans interrogés qui disent que pour eux, les lois religieuses sont supérieures aux lois divines. Les lois religieuses sont supérieures aux lois civiles. On pourrait donc dire qu'il n'y a que 1/5 à 1/4 des musulmans français qui sont des islamistes. Mais quels sont ceux qui disent qu'il faut imposer la charia en France ? 4%. Donc il n'y aurait que 4% de salafistes, à peu près, ou de musulmans radicalisés. Donc voyez-vous, et alors, qu'est-ce qui caractérise ces musulmans français ou vivant en France ? Eh bien, 28% d'entre eux disent ne pas avoir de religion, être athée ou agnostique. La moyenne en France, c'est 36%. 30% disent ne pas avoir de pratique religieuse. 48% disent faire leur prière. 24% vont à la mosquée une fois par mois au minimum. Alors vous allez me dire, c'est 3-4 fois plus que la fréquentation des catholiques français. Oui, il faut corriger effectivement. La religion musulmane est la seule religion en expansion. Et en particulier dans la jeunesse. Il y a 30 ans, des jeunes musulmans de moins de 25 ans qui se disaient sans religion. Aujourd'hui, il n'y en a que 14%. Alors, expliquez pourquoi. Vous le savez certainement. Alors, voyez-vous, je m'excuse, mais avant de se focaliser, comme le font les médias, comme le font certains hommes politiques, sur l'impossibilité des musulmans de s'intégrer en France, dans la société française, il faudrait se poser la question de savoir combien s'intègrent. Et vous avez vu les conclusions de la grande enquête de l'INED faite sur 22 000 personnes, c'est quand même pas rien. Eh bien, intégration sociale remarquable, en grande partie grâce à l'école, même si un tiers des fils, disons, de familles musulmanes n'ont pas de diplôme à la sortie de l'école publique. Et par contre, pas d'intégration, difficile intégration économique. Discrimination systématique à l'embauche, dans le logement et pour tous les traitements. Donc voyez-vous, attention, ne cherchons pas l'islam, ne cherchons pas la laïcité dans l'islam, elle n'y est pas. Mais posons-nous plutôt la question de la façon dont l'islam peut s'intégrer dans la laïcité. Et vous savez qu'il y a des musulmans laïcs, comme il y a des catholiques laïcs, comme il y a des athées laïcs et des athées pas très laïcs. Alors je m'excuse parce que comme je ne lis pas mon texte et que j'improvise en grande partie, je vais peut-être aller plus vite sur le dernier point et je m'excuse d'abuser de votre patience. Je voudrais terminer par une réflexion très actuelle sur l'instrumentalisation par les partis politiques de la laïcité aujourd'hui, parce que c'est cela qui est l'enjeu principal. Il faut bien voir une chose, c'est que aujourd'hui, la laïcité est devenue un des mots les plus répandus qui soient dans les médias, dans les débats politiques. Mais cela dans la plus grande confusion qui soit. Dans la plus grande confusion qui soit. Voilà pourquoi je commencerai par vous dire qu'il n'y a pas de parti plus anti-laïque que le Front National, alors que pourtant 48% des Français disent que Marine Le Pen est la meilleure défenseure de la laïcité. Comment est-on arrivé à ce paradoxe? Vous connaissez le coup de gueule de Madame Badinter récemment sur France Inter, mais cherchons à comprendre et à déminer tout le langage soi-disant laïque de Marine Le Pen. Le Front National ne s'est jamais dit laïque avant 2008-2009. Et c'est essentiellement à propos des affaires du voile, à propos des affaires, disons, des prières de rue, comparées à une occupation allemande. C'est à propos, disons, des repas de substitution dans les cantines scolaires ou municipales que le Front National a fait campagne. A fait campagne en dénonçant l'islamisme radical. Et bien sûr, en faisant le silence sur l'intégration des musulmans. Je cite par exemple le 3 avril 2011 une déclaration de Marine Le Pen qui proteste contre toutes les violations de la laïcité qui sont opérées par un certain nombre de groupes politico-religieux musulmans qui cherchent à imposer des lois religieuses au détriment des lois de la République. Si on ne savait pas que c'était Marine Le Pen, on pourrait quasiment souscrire. Alors du coup, je suis allé regarder le nouveau programme du Front National. Et qu'est-ce qu'on découvre? Dans son nouveau programme, eh bien, le Front National se déclare profondément attaché à la loi de 1905. Il veut même constitutionnaliser la laïcité. Mais par la formule, la République ne reconnaît aucune communauté. C'est tout simplement une absurdité. La République n'a jamais reconnu de communauté. La République reconnaît des individus, des citoyens et des citoyennes, des majeurs et des mineurs, et elle reconnaît des associations, mais pas des communautés. Alors creusons. Voici ce que signifie la laïcité de la République pour Marine Le Pen. Laïque, la République reconnaît le rôle du christianisme en général et du catholicisme en particulier dans l'histoire de la France et la construction de la civilisation française. Grosso modo, la laïcité n'est pas un produit de la Révolution française. Ce n'est pas les principes de la Révolution française qui ont inspiré la laïcité. D'ailleurs, Marine Le Pen dit exactement ceci, à savoir, la laïcité de 1905 elle était certainement une laïcité antireligieuse, mais depuis lors, elle a évolué et la République aujourd'hui reconnaît la liberté de religion. Bon, vous voyez la dérive. Laïque, donc, la République reconnaît le rôle du christianisme. Et oui, il n'y a aucune raison que le Front National ne se dise pas laïque tout en proclamant qu'il... tout en proclamant sa fidélité aux racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Bon. Mais il y a plus grave. Le FN contend en fait, dans son programme, la diversité culturelle qui serait, je cite, l'autre formule pour dire priorité aux étrangers, préférence aux étrangers. Donc, le Front National condamne la diversité culturelle et l'extension des modes de vie étrangers à la civilisation française. Donc, il y aurait des modes de vie typiquement français, et puis il faudrait donc exclure un certain nombre de modes de vie, par exemple d'immigrants. En fait, le Front National se réclame ouvertement de l'assimilation et rejette la notion d'intégration. Et le Front National rejette donc une société pluriculturelle, rejette la diversité, il rejette cela au nom d'une identité. Le Front National se réclame d'ailleurs d'une laïcité identitaire. Il fait de la laïcité une exception française. La laïcité, certes, a connu une voie française vers l'émancipation laïque, mais il y a eu d'autres, et il y a d'autres États laïques, pas forcément exactement avec les mêmes principes. Donc, voyez-vous, je dis et je répète, la laïcité de Marine Le Pen est une anti-laïcité. Ce n'est même pas une catho-laïcité. C'est une laïcité invoquée pour justifier la xénophobie et le racisme inavoué. C'est une laïcité de substitution. C'est un produit falsifié, c'est une contre-laïcité. Mais alors qu'entendre par la laïcité moderne de Nicolas Sarkozy? Vous savez, vous avez tous retenu, bien sûr, sa fameuse formule sur le fait que l'institution ne pourra jamais, être à même de pouvoir enseigner la morale comme le pasteur ou le curé. Mais il y a plus grave, il y a plus grave. En 2003, Nicolas Sarkozy écrivait ceci. La République ignore le bien et le mal. Tiens, la République ignore le bien et le mal. La République défend la règle, la loi, sans les rattacher à l'ordre moral. Elle dit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Elle ne dit pas ce qui est bien ou mal. La religion peut, en revanche, apporter cette distinction. Et voici, écoutez bien, aux religions le spirituel, à la République le temporel. C'est exactement la formule du pape Boniface VIII au XIIIe siècle. C'est la formule de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Comme quoi, quand Nicolas Sarkozy entend moderniser la laïcité, on sait très bien ce qu'il fait. C'est un retour à la situation d'avant la Révolution. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé d'un rapport Machelon que Nicolas Sarkozy avait demandé à un professeur de droit en 2006. Ce rapport Machelon avait conclu qu'il fallait autoriser formellement l'aide directe à la construction de lieux de culte par la participation des autorités publiques à l'investissement et au financement des activités complémentaires à l'activité des cultes. Donc, voyez-vous, Nicolas Sarkozy, au nom de la laïcité moderne, est prêt à faire toutes les concessions, tant en matière de financement de lieux de culte que de reconnaissance d'activités religieuses non cultuelles pour tous. Alors, bien sûr, il disait que c'était essentiellement pour les religions en relégation sociale, parvenues, les musulmans et les évangéliques. Et il ajoutait dans sa lettre de mission, Nicolas Sarkozy, que c'était en raison du fait que ces nouveaux pratiquants étaient soit en relégation sociale ou en raison, tenez-vous bien, de questions de relations internationales, de politique étrangère. En gros, ayant de bons rapports avec les musulmans et leurs protecteurs étrangers pour éviter des attentats en France. Voyez donc l'instrumentalisation de la religion de manière caractérisée. Mais je n'hésite pas à vous dire que je suis choqué par le double langage du Parti socialiste sur la laïcité. Le candidat François Hollande disons, a proposé de réécrire l'article 1er de la loi 1905. C'était un de ses, disons, de ses thèmes de campagne. Quand il a fait la proposition, voici la formule qui était proposée. La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des églises de l'État. Jusque-là, tout va bien. Sous réserve des règles particulières applicables en Alsace-Moselle. Comment est-ce qu'un président de la République peut penser qu'il y a compatibilité entre la séparation des églises de l'État et son contraire, à savoir le régime concordataire d'Alsace-Moselle? Je vous signale que Nicolas Sarkozy est pour la généralisation du système d'Alsace-Moselle à toute la France. Je ne vais pas insister sur d'autres contradictions de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, mais j'ai été sidéré de lire dans la presse socialiste ceci le 30 janvier 2015, quasiment trois semaines après les attentats terroristes que vous savez. Le groupe Cohésion Républicaine a fait valider par la direction du Parti Socialiste, disons, un texte qui a été repris ensuite publiquement par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, comme axe de la politique gouvernementale en direction, disons, des musulmans. Il faut encourager une réforme du Conseil français du culte musulman pour le faire évoluer vers une instance plus représentative. Bon. Deuxièmement, il faut prévoir une aide à la formation des imams français. Troisièmement, recenser les besoins en lieu de culte et examiner les moyens de répondre au manque dans certaines parties du territoire. Quatrièmement, il faut développer les établissements scolaires privés sous contrat. L'enseignement privé confessionnel musulman doit pouvoir se développer dans le respect des principes républicains. Je crois que ça se passe de commentaires. Et pour terminer, je mets en cause un certain nombre d'ambiguïtés dans la gauche de la gauche. Vous savez, par exemple, le 5 mars ou le 6 mars 2015, il y a eu une manifestation d'un certain nombre de mouvements protestants contre, disons, l'islamophobie. Et on a vu un certain nombre d'organisations et de partis de gauche manifester avec des organisations ouvertement islamistes, en particulier, et ou avec les indigènes de la République. Les indigènes de la République, qui aujourd'hui sont le pire, le parti des indigènes de la République, qui appellent à rompre avec le mythe républicain et le champ politique blanc. Et j'insiste sur une formule qu'a prononcée la vice-présidente du parti des indigènes de la République, Ouria Boudejla, qui a déclaré à Londres le 25 janvier 2015 « Nous ne reconnaissons pas la distinction entre le profane et le sacré, la sphère publique et la sphère privée. » La foi et la raison, les lumières, le cartésianisme historiquement et géographiquement situé en Europe de l'Ouest. C'est une spécificité qui s'est déclarée universelle par la force des armes. Nous avons la preuve qu'un certain nombre de mouvements et de groupes se réclamant ouvertement de l'islamisme refusent catégoriquement les lumières, la raison, tout ce qui est, disons, le béaba de l'apprentissage, disons, de Condorcet, des théories de Condorcet. Donc, on ne peut pas comprendre qu'au nom de la lutte contre le racisme anti-musulman ou le racisme, disons, de l'extrême droite contre, des lieux de culte musulmans, on ne peut pas comprendre que certains puissent ouvertement s'associer, sans critique, avec des islamistes qui remettent en cause non seulement la laïcité, mais finalement la démocratie, la République et, la raison. Donc, je pense que face à cela, il faut raison garder Et c'est pour cela que je vous invite à lire, disons, les derniers ouvrages de Boualem Sansal, que vous connaissez certainement, qui appellent au réveil. La France doit se réveiller contre les dangers de l'islamisme. Je ne crois pas aux explications de ceux qui mettent en avant la misère sociale comme terreau premier du djihadisme. Il existe un projet politique dans le monde pour propager l'islamisme. C'est un travail de véritable professionnel de la propagande et à force d'être prudent, on finit par ne rien faire. Alors justement, ne soyons pas trop prudents dans tous les risques que je vous suggère de prendre. Alors, je vous suggère de réfléchir à quelques derniers points, à savoir, pour moi, la laïcité, ce n'est pas la tolérance, c'est différent de la tolérance, ce n'est pas non plus la neutralité, la laïcité, ce n'est pas le dialogue interreligieux, la laïcité, ce n'est pas l'œcuménisme, la laïcité, ce n'est pas le refus des différences, hein, ce n'est pas l'embrigadement dans un même mode de vie, la laïcité, c'est en fait la reconnaissance au nom des principes fondamentaux de la liberté de conscience et de l'égalité des droits, c'est la reconnaissance de la vie en commun de tous les citoyens et citoyennes et de tous les individus vivant dans la nation française, qu'ils soient français ou étrangers, dans le respect de leur individualité et de leur identité. Il n'y a pas de contradiction entre laïcité et identité. Mais l'identité est une construction permanente, alors que la laïcité repose sur des principes fondamentaux et universels qui s'adaptent avec l'histoire dans chaque société, mais qui doivent progresser vers une émancipation générale de l'humanité. Je vous remercie. Restons modestes. Oui, parce que l'historique de la loi de 1905, pour moi, ça a été éclairant. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a quelques questions à poser, s'il vous plaît? Levez le doigt. On va vous prêter un micro, si nécessaire. Là-bas, monsieur, peut-être que vous avez une forte voix. Je crois que nous sommes près de 200, c'est une réussite. Oui, j'ai un petit souci depuis un bon moment avec l'histoire de la liberté de conscience, en fait, qui est au cœur de la loi sur la laïcité. Et il me semble que la liberté de conscience, ben, ça s'adresse exclusivement à des citoyens adultes. Et moi, mon problème, c'est que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, quand on est en religion, il faut s'en sortir. On n'y adhère jamais spontanément, puisque, en fait, on adopte la religion, enfin, on nous impose la religion, c'est nos parents, en général, au milieu familial, qui nous imposent ça, à la naissance. On n'a pas le choix, on n'a pas de conscience à ce moment-là. Et donc, il faut s'en débarrasser. Donc, la liberté de conscience, pour moi, c'est un peu un leurre. Et de ce point de vue-là, la loi est un peu incomplète pour moi. Donc je me demandais, c'est un peu provocant sans doute, mais si dans la loi on ne pourrait pas prévoir décréter un âge de maturité de conscience, ou de majorité de conscience, comme il y a un âge de majorité politique pour voter par exemple, auquel chaque individu pourrait librement se déterminer pour une religion ou pas. Alors bien entendu, ça devrait être associé à ce que devrait être une vraie école de la République laïque, c'est-à-dire une école qui, depuis l'école jusqu'au lycée, développerait un vrai programme d'enseignement de ce qu'on pourrait appeler les humanités. Ces humanités intégrant, bien entendu, faisant toute sa place à l'enseignement du fait religieux, étant entendu que ce fait religieux, le contenu des enseignements et la dispense de ces enseignements ne serait pas fait par des représentants des religions, ni des cultes, ni des églises, mais par des intellectuels, des philosophes, des historiens, des littéraires, puisque on le lit un peu souvent, mais les livres des principales religions sont aussi des objets littéraires. Voilà, donc c'est un peu provocant parce qu'on pourrait aussi dire que ça enlève des prérogatives ou que ça porte atteinte à la liberté d'éducation des parents. Moi j'ai tendance à penser que les rituels d'intronisation qu'on inflige aux bébés ou aux jeunes enfants dans toutes les religions sont plutôt une violence psychologique et parfois physique, et que la violence des parents envers leurs enfants est répréhensible par la loi. Donc il me semble que ça ne serait pas complètement aberrant d'associer une vraie école républicaine qui se substituerait à ça, où chaque individu serait égal devant l'enseignement du fait religieux et pourrait effectivement décider en toute conscience. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être une autre question, de façon que Jean-Paul puisse traiter l'ensemble. Oui, bonjour à tous. Je veux remercier l'orateur parce qu'il a bien fait la historique de la loi de 205, du processus de laïcisation de la société française, qui est comme un exemple au niveau mondial. On peut l'oublier, c'est que nous sommes en France, un des rares pays où la loi de séparation des églises et des États s'applique. Et moi, je ne suis pas un orateur, je suis un ouvrier. J'étais ouvrier chez France Télécom, donc je suis toujours intéressé d'apprendre des choses. Moi, je vais me servir d'une autre conférence que vous connaissez très bien, qui a été faite en 2013 par Henri Ruiz. Cette conférence a été faite à Carmont, dont le thème était solidarité et laïcité. Alors, vous vous retrouvez un petit peu dans les différentes explications. Mais M. Henri Pénard-Ruiz rajoute une chose essentielle sur le mot laïcité. Je vais vous citer. Henri Pénard-Ruiz, je ne sais pas si tout le monde le connaît, sûrement, peut-être pas, mais vous allez voir sur le net, vous trouverez. Lui, il estime que la laïcité est l'équivalent d'un triptyque républicain. Donc, M. Jean Scott a cité le premier. Liberté de conscience comme forme majeure de la liberté. Égalité des droits qui interdit de donner plus aux croyants qu'aux athées ou aux athées qu'aux croyants est un triptyque qui est le plus important à mon sens. C'est l'orientation universelle de la puissance publique. La puissance publique n'est née dans son rôle que lorsqu'elle fait la promotion du bien commun à tous. Elle n'a donc pas assuré le bien particulier de certains. Le bien particulier est l'affaire des hommes dans leur sphère privée, individuelle ou collective. Les élus qui oublient la laïcité et qui, par clientélisme, favorisent les écoles privées, les associations culturelles, ne se jouent pas dans leur rôle et font une grave faute. Ça, c'est moi qui ai mais je ne peux pas vous dire tout par rapport à ça. Et il s'adresse à M. Hollande en lui disant. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Scott a parlé du concordat. Savez-vous combien le concordat nous coûte à nos contribuables? 70 millions d'euros par an. Nous payons les prêtres, les rabbins, les imams. Je ne sais plus si les imams, enfin, c'est énorme. Donc M. Henri Pénard-Ruiz s'adresse à M. Hollande. M. Hollande qui cherche à faire des compressions de dépenses publiques, au lieu de réduire les dépenses publiques des services publics, ferait mieux de supprimer le bon concordat. Cela va rapporter pas mal d'argent aux États-Unis. Et là, on s'interroge, parce que tous les hommes politiques, droite, gauche, sont tous laïcs. Tout le monde est laïc. Et quand on pose la question, vous pour l'abrogation du concordat, et vous pour l'abrogation de la loi Debré, maire de toutes les lois anti-pays qui filent encore cette année 10 milliards d'euros aux écoles privées et catholiques. Là, il y a un vrai problème de fond. Est-ce que ma voix, disons, suffit ? Oui. Je vous remercie pour la qualité de, et, disons, la pertinence de vos questions qui vont droit, disons, vers des sujets qui fâchent. La première question pose en fait celle de l'émancipation, un terme que notre opinion publique n'est pas habituée à entendre. En quoi est-ce que nos médias, en quoi est-ce que nos hommes politiques se fixent un objectif d'émancipation et d'émancipation humaine ? Est-ce que on peut créer, je dirais, un âge de majorité de conscience comme l'opinion a été lancée ? Il y a certes l'âge de raison, il y a la majorité civile, il y a la majorité sexuelle, la responsabilité sexuelle maintenant. Hein, bon. Mais je refuse l'idée d'une majorité de conscience. Pourquoi ? Parce que l'enfant, avant de devenir adulte, pour devenir adulte, doit passer par le statut de l'élève, le statut de l'apprentissage, un triple apprentissage. Apprentissage de la connaissance, et je vous rappelle qu'un des principes fondamentaux de l'instruction publique pour Condorcet, c'est que tout élève doit faire la différence entre la raison et l'opinion, la croyance et la science. Hein? Bon. Donc, apprendre à raisonner et à devenir ainsi quelqu'un de réfléchi. Premier objectif. Deuxième objectif, former des citoyens. Tous les jeunes élèves sont des citoyens en formation. Ils ne sont pas, comme certains nous le surinent aujourd'hui, ils ne sont pas encore des citoyens responsables, hein, même s'ils peuvent, à 18 ans, être considérés vraiment comme des citoyens, alors qu'ils poursuivent leurs études. Et puis, il faut que tout élève se rende compte qu'il est à l'école pour être maître de sa vie, pour devenir un individu libre et responsable. Et cela, non pas à titre individuel, mais dans la société. Donc, sa liberté dépend de celle des autres. Victor Hugo disait, et je vous rappelle que j'ai écrit un livre, c'est une espèce de biographie politique de Victor Hugo, Les combats d'un poète, un poète en politique, livre écrit en collaboration avec Henri Pénard-Ruiz, hein, et publié en 2002. Eh bien, que disait Victor Hugo ? Il disait que pour qu'un enfant devenu élève ait une éducation pleinement réussie, il faut qu'il s'émancipe des trois maîtres qui lui sont imposés par la société, les trois maîtres qui le tiennent sous leur coupe. Le père de famille, le curé, le prêtre, et le maître d'école lui-même. C'est cela le processus qui permet à la fois de penser et d'agir par soi-même. Bon, et vous, je pense que nous n'avons pas besoin de plus de religions enseignées à l'école. Nous avons besoin de plus de savoir, de plus de connaissances, d'humanité, comme vous avez dit. Pourquoi ? Parce que je suis, pour ma part, contre l'enseignement du fait religieux à l'école, et pas seulement parce que je refuse qu'il soit fait par des prêtres, des pasteurs, des rabbins ou des imams, je refuse aussi qu'il soit fait par des personnalités, même si on peut inviter des personnalités, hein, qui ont une certaine habitude de l'enseignement populaire, de l'éducation populaire, dans les lycées et les collèges. Et je dois avouer que j'ai été invité dans des lycées, des collèges, y compris cette année plusieurs fois. Je pense que c'est dans les programmes d'enseignement que l'on doit progressivement intégrer l'ensemble des faits culturels qui constituent notre civilisation et qui nous font découvrir d'autres civilisations. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'il faut apprendre non seulement que les religions ont ont une existence historique, que les religions sont une forme d'expression culturelle. Il ne s'agit pas d'apprendre la foi, il ne s'agit pas de faire découvrir ce qui est le caractère en particulier, la différence entre le luthéranisme et le calvinisme. Mais on peut, par exemple, enseigner Érasme, on peut enseigner Pascal. On le faisait en tout cas quand j'étais élève, ça remonte bien sûr à un certain nombre de décennies. Mais il me semble que il y a certainement vu les brassages, il y a certainement un apprentissage du respect mutuel entre des enfants de cultures différentes. Respect mutuel, et ça me permet de passer à la deuxième question. Je n'ai pas commenté la triade républicaine, même si je disais dans mon introduction écrite que aujourd'hui, il ne fallait pas se contenter d'allumer des bougies et de répéter « valeur de la République » comme des perroquets, hein, ça ne fait rien avancer, mais qu'il fallait au contraire s'emparer des flambeaux de liberté, égalité, fraternité que j'écris avec un trait d'union, comme cela s'écrivait à l'origine, en 1794. Oui, parce que la liberté est inséparable de l'égalité et l'égalité inséparable de la liberté individuelle. Le collectif et l'individuel sont fondamentaux dans la conception républicaine, la relation, la dialectique. Et Jaurès a très très bien compris, y compris dans sa thèse latine, qui commence par cette définition de la dialectique. Encore faut-il que liberté, égalité en droit deviennent possibles, dit Jaurès. Et c'est ça toute la différence entre l'idéalisme et le matérialisme. Et donc, fraternité. Mais la fraternité, c'est ce respect mutuel dans la différence de chacun. Respect mutuel des croyants et des incroyants. Respect mutuel, à la limite aussi, entre ceux qui ont des opinions politiques différentes, ou entre ceux qui sont pour l'euthanasie, puis ceux qui hésitent. À chacun de respecter l'autre, mais cela suppose aussi, fondamentalement, cette idée qu'il ne suffit pas de se contenter d'un rapport de respect de la personne. Le respect de la personne, comme je le disais tout à l'heure, doit passer par la critique des idéologies. Je respecte, par exemple, je respecte en tant qu'individu Éric Zemmour, mais je ferai tout pour détruire sa pensée. Bon, je ferai tout pour détruire sa pensée et son influence. Et je démasquerai. Mais il s'agit, pour cela, je ne l'injurierai pas ou je ne le caricaturerai pas de manière, disons, grossière. Par contre, ce qu'il faut développer, et c'est toute notre fonction, je dirais, nous, femmes et hommes de gauche, c'est de faire que cela devienne force collective, force commune. La laïcité, ça n'est pas une affaire simplement d'individus. Ça n'est pas simplement une affaire, disons, d'émancipation personnelle, de réalisation de la personnalité de chacun. La laïcité, comme disait Jaurès, Jaurès disait « progrès social et laïcité sont choses distinctes, sont choses indissociables. Nous lutterons pour l'une comme pour l'autre. Nous lutterons ensemble pour l'une comme pour l'autre. » Donc, voyez-vous, je crois qu'aujourd'hui, il faut que la laïcité prenne une dimension sociale, et pas seulement sociétale, une dimension sociale et collective, car la laïcité, c'est une façon de produire du commun, du bien commun. de l'humanité commune. Et voilà pourquoi je fournis un argument de plus pour lutter contre les arguments de la droite et de l'extrême droite à propos, hein, qui veulent faire une OPA sur la laïcité. Est-ce que vous avez entendu Marine Le Pen remettre en cause les 9 ou 10 milliards de financement des enseignements confessionnels? Est-ce que vous avez vu Marine Le Pen remettre en cause, disons, les crèches de Noël? Est-ce que vous avez vu Marine Le Pen remettre en cause les subventions faites aux associations catholiques ou associations? Marine Le Pen dit, je cite de mémoire, mais c'est à peu près ce qu'elle dit dans le texte, elle dit la République doit supprimer les subventions aux organisations communautaires selon le principe de l'article 2 de la loi de 1905. Mais l'article 2 de la loi de 1905 dit tout le contraire. C'est toutes les subventions publiques à des organisations religieuses sont à supprimer. Donc voyez-vous, ce qui fait la distinction entre la religion et la culture, c'est que la religion est privée, la culture, c'est commun. Le social, c'est commun. Donc voyez-vous, il faut être extrêmement précis, et si on n'évite pas le piège que nous tendent les protestants, mais aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, les institutions européennes qui confondent culturel et culturel, nous allons avoir systématiquement une prolifération de ces financements à des organisations religieuses ou parareligieuses. Il faut savoir qu'en Allemagne, les deux principaux employeurs, les deux principaux employeurs après l'État, c'est Caritas, association, caritative catholique, et Diaconique Werk, à savoir l'association protestante, disons, qui prend en charge un certain nombre de services publics, hôpitaux, maisons de retraite, etc., etc. Il faut savoir qu'en Espagne, le SAMU, c'est l'Opus Dei. Hein? Donc, voyez-vous, nous devons, et là je vais terminer par-dessus, être fiers de ce qu'ont fait les républicains de 1905. Mais ils n'en ont pas fait assez. La France n'est pas une exception. C'est pas, disons, en matière de laïcité. Le Mexique révolutionnaire en 1878 a à la fois fait la révolution de 1789, la révolution laïque, la séparation, nationalisation, sécularisation des terres, des églises distribuées aux paysans. Le Mexique, en 1878, a fait la séparation de l'école et de l'église, instruction publique, laïque, plus loin. Et en même temps, 1905, séparation de l'église. Il n'empêche que la population était à 99% catholique, ça n'a pas tenu forcément très longtemps. Mais vous avez cité l'exemple des États-Unis. Là, j'attire votre attention. On nous dit très souvent, les États-Unis sont un pays laïque. Le premier amendement interdit à la, au pouvoir fédéral de subventionner, une religion ou d'en interdire l'exercice. Attention, aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait trop de religions qu'il y a eu cette neutralité de l'État, cette séparation de l'État fédéral. Mais il faut bien voir une chose, très concrètement, c'est qu'il y a peut-être séparation du politique, de la politique et de la religion, mais il n'y a pas séparation des religions et des États. Il faut voir une chose, aux États-Unis, outre bien sûr que le président jure serment sur la Bible, aux États-Unis fonctionne le système des libertés des églises. Aujourd'hui, catholiques et protestants réclament la liberté des églises. Qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis, la liberté des églises ? Les églises sont des corporations, c'est-à-dire des entreprises comme les autres entreprises capitalistes, avec certes des activités qui peuvent être très différentes, caritatives, humanitaires, sociales, tout ce que vous voudrez, hein, éducatives, mais elles réclament au nom de leur statut d'entreprise, eh bien, des privilèges fiscaux et des financements locaux. Hein. Donc, et vous, attention, quand on entend le président de l'Église protestante, elle demande clairement dire qu'on ne peut pas considérer comme un État laïque, un État qui... le président Edmond Clermont dit ceci, hein, et je vous signale qu'il a des responsabilités à l'échelle de l'Europe. Il dit on ne peut pas reconnaître qu'un État respecte la liberté de religion s'il ne respecte pas la liberté des églises. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pour lui, si les églises ne deviennent pas des entreprises libres de pratiquer la concurrence libre et non faussée, tout en réclamant des privilèges fiscaux, financiers, multiples, hein, eh bien, les États qui s'y opposent ne seraient pas des États respectueux de la liberté de religion. Eh bien, en France, il n'y a pas de liberté des églises reconnues, sauf qu'elles doivent se comporter comme des associations à but non lucratif, comme les associations de 1901. Les églises sont des unions d'associations cultuelles, hein, et ça on l'oublie trop souvent. Je vous signale que 80% des mosquées ne sont pas des associations cultuelles, hein, comme elles devraient l'être. Donc voyez-vous, il y a eu un laxisme dans les comportements depuis une bonne cinquantaine d'années qui a permis un retour en force de ce que j'appelle le néocléricalisme catholique, mais aussi qui permet de favoriser tous les néocléricalismes des institutions religieuses qui sont solidaires pour dire, comme le font les Américains, qu'il y a un conflit entre, disons, la République laïque et la République respectueuse des religions. Voilà. Ben, merci. Merci. Je pense que nous allons rester là. Vous pouvez bien sûr venir à la table acheter un livre de Jean Folcott. Je vous remercie évidemment de votre assistance qui est très nombreuse et qui nous a beaucoup touché. Très bien. Merci infiniment. Ah oui, alors très, je vais tirer bien. Ma petite... Attendez, je vais essayer de vous le refermer. Oui, on va arrêter. Voilà, il revient. La prochaine fois, je dirai à Jean et qu'il me le dise. Eh oui, mais c'est la première fois que j'ai ce problème et je n'ai pas l'habitude de travailler sur des Macs. Et j'ai oublié de vous dire, parce qu'il m'a dit, on a tout ce qu'il faut. D'habitude, ça marche, mais... Ouais. Bon. Je m'occupe de fermer, allez, que vous lire. Vous n'arrivez pas à lire. Si, elle est fermée. Non, mais vous n'arrivez pas à lire. Mais allez, vous êtes pas, je m'en occupe. Ah, d'accord, merci. Je m'en occupe, je ne voudrais pas. Dominique. Ah, bonsoir. Ouais, juste une question concernant la mutuelle. Oui. Mais c'est quoi la date dernière délai? Parce que je tanne les gens pour obtenir des réponses. Il y a même une circulaire qui vient de tomber, c'est d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de pénalité pour ceux qui ne sont pas dans les règles. Ah bon? Bon, déjà, il me semble. Non, mais tout est signé. Et nous,